Bonjour, j'aimerais savoir où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît. Bien sûr, vous allez prendre ici l'allée 2. Face à l'entrée 2, vous tournez à gauche. Vous passerez ensuite devant l'entrée du parking souterrain et la pharmacie sera un peu plus loin sur votre droite. Vous verrez, elle fait le coin avec l'entrée 1. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer les toilettes ? Alors, pour les toilettes, vous prenez l'allée 1 sur la droite et vous continuez tout droit. Elle se trouve au fond du centre commercial, entre le distributeur automatique de billets et le change bébé. Sinon, vous pouvez aller tout de suite à gauche, là, derrière moi, puis la première à droite. Bonjour, nous cherchons le restaurant. C'est de quel côté ? Pour le restaurant, vous prenez ici à gauche, dans l'allée 1, en direction de l'entrée numéro 3. Sur votre droite, vous verrez un distributeur automatique de billets qui fait le coin. Vous prenez à droite, l'entrée du restaurant sera au fond du couloir. Bon appétit ! Bonjour, pour payer le parking, il faut aller où exactement ? Alors, vous devez vous diriger vers une borne de paiement. Vous prendrez donc cette allée ici, la 1, à gauche, en direction du parking souterrain. Vous sortez du centre commercial et les bornes se trouvent juste sur votre droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bonjour, je sais qu'il y a un espace pour changer les bébés dans le centre, mais je ne le trouve pas. Vous pouvez me renseigner ? Bien sûr, madame. Le change-bébé est au fond du centre commercial. Vous prenez l'allée 1 à droite et continuez toujours tout droit. Ensuite, c'est indiqué. C'est juste après les toilettes.